إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc premièrement, je voudrais m'excuser pour les frères hier. J'ai pas pu être là à l'heure qu'on avait décidé. Et puis étant donné que maintenant je suis devenu imam dans la mosquée Dar al-Arqam, alors je dois préparer des choses, et puis le vendredi c'est un peu serré pour moi, donc j'ai plus la capacité de le faire le vendredi, de faire le cours le vendredi à l'heure prévue. Yani, donc j'ai suggéré à certains frères, j'ai demandé le conseil pour voir si c'était possible de le faire le samedi et le dimanche, et les frères m'ont fait savoir que yani, c'était correct, ça pourrait aller. Donc inchallah, je demanderai l'avis d'autres frères également, et puis on verra si ça convient pour vous également, les frères qui sont en France, et donc on verra inchallah. Donc je vais mettre l'annonce de ça dans le groupe sur Yahoo, et puis inchallah, donc on peut commencer maintenant notre dars durusul min al-Qur'an. Et ça tombe bien parce que de toute façon, alhamdulillah, le mois de Ramadan approche, c'est la semaine prochaine inchallah que ça commence bi'idhnillah, donc on aura la chance de pouvoir étudier ce livre qui est basé sur le Qur'an. Durusun min al-Qur'an, c'est-à-dire des cours tirés du Qur'an. Et étant donné que le Ramadan c'est le mois du Qur'an, c'est-à-dire c'est le mois dans lequel le Qur'an a été descendu, alors alhamdoulillah, on peut en profiter inshallah pour continuer l'étude de ça. Et j'avais pensé à faire le tafsir de Juz Amma, tafsir de Juz Amma. Donc je pense que ce serait une bonne chose, parce que le cheikh Mohammed ibn Uthaymeen rahimahullah, il a fait un bon tafsir de Juz Amma, et j'ai pensé peut-être me baser sur son tafsir pour faire un dars, pour en profiter durant le mois de Ramadan inshallah. Donc on pourrait peut-être même en faire un petit cours tous les jours, hein, peut-être une heure tous les jours, pour continuer et pour avancer dans le mois de Ramadan avec un petit tafsir, et puis à la fin du mois on aurait complété probablement Juz Amma. Donc on verra tout ça inchallah plus tard. Donc on va commencer là où on était arrivé au dernier cours inchallah, et on avait commencé à expliquer le deuxième pilier de l'islam qui est as-salah. Le cheikh il dit الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة. Donc le deuxième pilier des piliers de la des piliers de l'islam, c'est la salat. Et le cheikh il dit وقد فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قبيل الهجرة من مكة إلى المدينة لما أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، أي سعد بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده يقظة لا مناما إلى السماء إلى ربه عز وجل، ففرض الله عليه صلوات الخمس فوق سبع سماوات. Donc le chef, mashallah, il explique bien l'introduction de ce deuxième pilier qui est la salat, et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire la salat cinq fois par jour lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension lors de la nuit de l'Isra wa al-Mi'raj. Hein, lorsqu'il a fait Al-Mi'raj, yani un peu avant Al-Hijra de la Mecque vers Médine. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait monter, premièrement il a transporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait transporter le prophète sallallahu alayhi wa sallam en une nuit de Mecca jusqu'à Baytul Maqdis, et une fois là-bas Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait monter yani aux cieux. Et il est monté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté aux cieux, yani au-dessus des sept cieux, avec son corps et son âme en état d'éveil et non en état de sommeil. C'est-à-dire que ce n'était pas un rêve, c'était en réalité. Et il est monté aux cieux, et il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah lui a parlé, et Allah lui a ordonné de faire cinq prières par jour. Et ça, c'était au-dessus des sept cieux. D'accord? Et ça, c'est rapporté dans plusieurs hadiths authentiques, dont un hadith qui est muttafaq alayh, qui est rapporté selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Donc, c'est rapporté authentiquement. Et bien entendu, il y a dans ça une réfutation des gens de bid'a comme al-Jahmiyya, al-Mu'tazila, al-Asha'ira, ceux qui nient que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ces sept cieux, hein, au-dessus des cieux et au-dessus de al-Arsh. Donc il y a une claire réfutation de ces gens de bid'a qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala directement ou indirectement. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait monter et l'a rapproché vers lui, ça c'est la preuve qu'il est, hein, au-delà de sa création, c'est-à-dire au-dessus de toute chose qu'il a créée. Donc alhamdulillah rabbil alamin. Et le cheikh dit: وقد ذكر الله الصلاة في القرآن في آيات كثيرة فتارة يأمر بإقامتها وإقامة الصلاة وتارة يأمر بالمحافظة عليها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وتارة يتوعد للمضيعين لها فيقول مثلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وتارة يخبر عن مصير المضيعين للصلاة ما سلككم في سقر أي النار قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فذكر الله فذكر أول ما أجابوا أنهم لا يصلون قالوا لم نكن من المصلين. Donc le cheikh il dit que dans plusieurs versets Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la salat, et parfois c'est pour ordonner aux gens de l'établir comme il faut, comme quand il dit dans sourate al-Baqara wa aqimu salat, et établissez la salat. Parfois il ordonne les gens juste de bien préserver l'application de la salat, et c'est-à-dire de la faire constamment et de la préserver. Donc il dit par exemple dans sourate al-Baqara hafizu ala salawat, restez toujours fidèles, et préservez et gardez bien l'application des salat, des salawat, des différentes prières. Wa salat al-wusta, salat al-wusta c'est salat al-asr en particulier, d'accord. Et parfois il a menacé les gens qu'il a négligeaient ou bien qui lui donnait pas assez d'importance, comme dans un verset dans Surat Al-Ma'un, il dit: Fawailul lil-musallin, malheur aux gens qui prient mais qui sont négligents ou insouciants dans leur salat. Et dans un autre verset, dans Surat Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit ceux qui ont délaissé la prière, qui ont suivi leur passion en disant فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ هَيَّةِ. Donc il y a un groupe, en décrivant les gens qui sont venus après, par la suite, après les prophètes, il y en a un groupe de gens qui sont venus par la suite et qui ont abandonné ou négligé la salat, c'est-à-dire ils retardent la prière en dehors de son temps, ou bien ils la font sans concentration ou sans la faire comme il se doit, et ils ont suivi leur shahawat. Le shahawat, c'est les désirs, les passions. فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ رَيَّةً, et ils seront jetés dans al-rayyah. Al-rayyah, c'est certains mufassirines, ils ont expliqué que c'est une rivière de feu dans l'enfer, quelque chose de ce genre, et donc ils seront punis de cette façon là ou bien qu'ils seront simplement déviés ou égarés. وَتَارَةً يُخْبِرُ عَنْ مَصِيرِ الْمُضَيِّعِينَ لِلصَّلَاةِ, et parfois il explique, et Allah subhanahu wa ta'ala parfois il mentionne c'est quoi la destination ou la conclusion ou la fin de ceux qui ont négligé la salat, en disant par exemple ma salakakum fi saqar, qu'est-ce qui vous a amené dans le feu de saqar. Il y a un des noms de l'enfer, c'est saqar, et la réponse que ces gens-là donnent, c'est qalu lam nakum min al-musallin, ils ont dit nous n'étions pas parmi ceux qui font la salat, nous ne sommes pas parmi les musallin. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, et on ne nourrissait pas les pauvres. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne toutes sortes de caractéristiques à propos de ces gens-là, et وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. Ça, je suis pas sûr de al-khaidin comment le traduire, mais en tout cas c'est dans le verset, pour si vous voulez revérifier, c'est al-Muddassir, le verset 45, et nous traitions le jour de la résurrection ou de la rétribution comme nous le traitions de mensonge, jusqu'à ce que la mort nous arrive. Et Allah subhanahu wa ta'ala appelle dans ce verset là la mort, il l'appelle al-yaqin, okay? Et dans plusieurs versets Allah subhanahu wa ta'ala appelle la mort al-yaqin, donc parce que c'est une des plus grandes certitudes. À la mort, il n'y a personne qui doute qu'il va mourir dans ce monde. Non. Ok. Après, le Cheikh dit فَذَكَرَ أَوَّلَ الْآيَةِ مَا أَجَابُ. C'est-à-dire, Allah a mentionné qu'au tout début, en mentionnant leur réponse, la première chose qu'ils ont mentionné, c'est qu'ils ne faisaient pas la salat. Et que c'est ça une des raisons pour lesquelles ils ont été dans Saqar, dans l'enfer. Après, le cheikh il continue, il dit بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّ الصَّلَاةَ هِيَ عُمُودُ الدِّينِ. Le prophète صلى الله عليه وسلم a expliqué que la salat, c'est le pilier de la religion. Dans un hadith rapporté selon Mu'adh, il a dit رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامِ وَعُمُودُهُ الصَّلَاةِ. La tête de notre religion, c'est l'islam, et c'est-à-dire la soumission, et umuduhu as-salah, et son pilier c'est la salah. C'est rapporté par Tirmidhi. Après il dit waman hafizaha faqad hafiza dina waman dayya'aha faqad dayya'a dina wa awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abd يوم القيامة من أمور دينه الصلاة. Donc le cheikh il dit que celui qui a préservé sa religion, celui qui a préservé la salat, il a préservé sa religion. Mais celui qui l'a gaspillé ou qui l'a laissé tomber ou abandonné ou négligé, eh bien c'est comme s'il a abandonné aussi sa religion. C'est comme il a perdu sa religion. La première chose au sujet de laquelle le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala sera questionné au jugement dernier, et yani, la première chose au sujet de quoi on va lui demander des comptes au jugement dernier, c'est les affaires de sa religion. Parmi les choses de sa religion, c'est la salat. C'est-à-dire la première chose que Allah subhanahu wa ta'ala va prendre compte au jugement dernier, c'est la salat. Donc, c'est pour montrer l'importance de la salat, et c'est rapporté dans un hadith selon Abi Huraira, c'est rapporté par Abu Dawood, At-Tirmizi, An-Nasa'i et Ibn Majah. Après, il y a un autre exemple que le cheikh mentionne, c'est فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّ سَائِرُ عَمَلِهِ. Donc, le cheikh, il dit que si la salat est acceptée, le reste de ses actions sera accepté. Par contre, si la salat est rejetée, eh bien, le reste de ses actions également seront rejetées. Et ça, c'est rapporté dans un hadith selon At-Tabarani, dans Al-Awsat, selon Anas. Et là, donc, le cheikh, il dit par la suite, وَقَدْ تَرَدَّدَ ذِكْرُ الصَّلَاةِ فِي الْقُرْآنِ وَتَنَوَّعَ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ لِأَنَّهَا عُمُودُ الْإِسْلَامِ وَهِيَ الْفَارِقَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر وبين الشئام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم من حديث جابر كتمان الإيمان كتاب الإيمان باب نعم. Donc le cheikh il mentionne et il dit que il y a beaucoup de mentions dans le Coran au sujet de la salat, et c'est mentionné dans plusieurs versets, car c'est le pilier de la religion et le pilier de l'islam, comme on a dit, et c'est la distinction et la séparation entre le musulman et le kafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté selon Jabir dans Sahih Muslim, il dit que entre un homme et entre le shirk et le kufr, il y a le fait d'abandonner la salat. Donc c'est la salat qui distingue quelqu'un entre le kufr et le shirk. Donc c'est cette chose-là qui le sépare du kufr et du shirk. Donc, c'est très sérieux. La question de la salat, c'est une question fondamentale. Et si on observe bien comme il faut la situation des gens qui font pas la salat et la situation des gens qui font la salat, eh bien, subhanallah, si on est par exemple dans une pièce et que tout le monde est mélangé, c'est-à-dire des musulmans et des koufars, et qu'on doit rester là pendant des heures et des heures, eh bien, tout de suite on voit la distinction entre le musulman et le kafir, parce que quand c'est l'heure de la prière, les musulmans se lèvent et ils vont faire la salat, tandis que les koufars, eux, vont rester assis. Hein? Donc s'il y a des musulmans par exemple dans cette pièce et qu'ils savent que c'est la prière et qu'ils entendent l'adhan et qu'ils restent assis comme les autres qui sont koufars, eh bien tout de suite on voit que il y a un problème dans leur foi. Et bien entendu, on sait qu'il y a deux positions des ulama au sujet de la personne qui abandonne la salat. Il y a la position des gens qui disent que si il la laisse par paresse ou par négligence, par paresse, il n'est pas kafir, sauf qu'il est un fasiq, et on doit lui faire demander de se repentir. Et s'il est dans un pays musulman où il y a l'application des règles de la charia et qu'il refuse de la faire, eh bien, on lui demandera de se repentir. S'il ne se repent pas, il sera exécuté selon la loi de l'islam. Mais s'il rejette l'obligation, dans ce cas-là, il sera kafir. Même s'il prie, s'il rejette l'obligation, il sera considéré comme un kafir. Mais s'il prie, s'il ne prie pas, par paresse, certains disent qu'il n'est pas kafir. Mais d'autres ulama disent qu'il est kafir. Okay? Comme l'imam Ahmed par exemple, il dit que celui qui laisse la prière, même si c'est par paresse ou par tahawunan, il se laisse aller, dans ce cas-là, même s'il reconnaît l'obligation, il est kafir. Mais l'imam Ahmed, il a expliqué dans Usul al-Sunnah que les hadiths qui parlent de menaces, les hadiths qui parlent des menaces, il ne faut pas les interpréter. Il faut les laisser tels quels. Et le but de ça, yani, c'est juste de faire comprendre aux musulmans le danger de laisser tomber la salat et de leur faire comprendre du sérieux de la menace. Comme ça, yani, si tu parles avec un musulman qui néglige la salat, eh ben, t'as pas besoin de rentrer dans les détails, tu peux uniquement lui montrer, lui mentionner la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, hein, بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Et lui, il doit prendre ce hadith et puis il doit yani, réaliser la gravité de qu'est-ce qu'il fait yani, sans avoir besoin de rentrer dans les détails de est-ce que c'est kufr, est-ce que c'est pas kufr, est-ce que il est kafir, est-ce qu'il est pas kafir, hein. On lui dit le hadith et puis il s'arrange avec ça yani, avec sa conscience. Parce que c'est quelque chose de dangereux. Et il faut, parce que de toute façon, si on vit en France ou au Canada, on ne peut pas faire appliquer aucune règle qui a rapport avec la personne qui est considérée par les ulama comme étant des koufars. Hein. C'est juste des. C'est pas possible de les appliquer ces enseignements-là, puisqu'il n'y a pas de charia qui est appliquée ici. D'accord? Et ces règles-là, c'est uniquement le dirigeant des musulmans qui est légalement, c'est-à-dire qui est là, légitime, qui est le dirigeant légitime d'un pays musulman. Eh bien, c'est seulement lui qui peut faire appliquer les règles de la charia. Tandis que, il y en a d'autres individus dans la rue, ben, c'est pas à eux d'essayer de faire appliquer les règles de l'islam par eux-mêmes. Donc ça c'est un hadith, et il a mentionné un autre hadith également qui dit العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Ça c'est un autre hadith qui est rapporté selon Bouraïda par l'imam Ahmad, al-Tirmidhi, al-Nasa'i et Ibn Majah, et al-Albani il l'a mentionné comme étant sahih dans Sahih al-Jami' numéro 4143. Donc alhamdoulillah, c'est un hadith authentique, et il dit le pacte ou l'entente qui est entre nous et eux, c'est la salat. Alors celui qui l'abandonne, il a kafar, c'est-à-dire il a commis un acte de kufr, ou bien il a mécru. Et le cheikh Izifala dit liman la salat alah. Et donc le cheikh il a mentionné ça comme une autre preuve pour faire comprendre la gravité de quelqu'un qui abandonne la salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ça kufr. Il a mentionné que c'est que la personne qui l'abandonne, il a kafar. Et donc il faut prendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il l'a dit, et puis faire comprendre aux personnes qui négligent la salat qu'ils sont dans une menace très très sérieuse. Hein. Très sérieuse, subhanallah. Comment quelqu'un peut négliger la salat? Comment quelqu'un peut négliger la salat? Que Allah nous en protège, que Allah nous garde fermement sur les ordres et sur les règles de l'islam. Surtout que de nos jours, la dunya est devenue un but primordial pour beaucoup de personnes. Ils passent le travail, ils vont passer les études par-dessus toutes les règles et toutes les obligations de la religion. Et c'est rendu que certains musulmans, Allah al-Musta'an, ils basent pas leur dunya en accord par rapport à leur dîme, mais ils basent leur dîme ou ils appliquent leur dîme dans les limites de leur dunya, par rapport à leur dunya. Ils se font un plan de carrière, un plan de vie, un projet de vie, et ils basent leur application de la religion par rapport à ce plan de vie qu'ils se sont tracés pour eux-mêmes. Et ils mettent la religion comme entre parenthèses dans ce plan-là. Alors que c'est le contraire qui doit être pour un musulman, c'est-à-dire que le musulman, c'est sa religion qui prend le plan, qui est le plan primordial et la base, c'est sa religion. Et son plan et son projet de vie ou de carrière, eh ben, il doit être en accord avec sa religion et limité par les règles de sa religion. Donc c'est ce qui se passe. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe. C'est le contraire qui se produit souvent. les gens basent leur vie sur toutes sortes d'idées qu'ils se sont faites eux-mêmes, et en particulier les femmes de nos jours, subhanallah, Allah musta'an. On trouve que beaucoup de femmes de nos jours, c'est rendu qu'elles pensent leur projet de vie, leur projet de carrière exactement comme un homme, Allah musta'an. Elles se voient étudier et elles se voient faire le bac, après la maîtrise, après le doctorat, après je vais travailler, je vais avoir la maison, je vais avoir la voiture, je vais avoir tout ce qu'il faut, et après ça, là je vais penser à me marier, et puis yani, donc subhanallah, et le mari, l'homme, lui, il va acheter quoi, il va faire quoi, il n'y a pas besoin d'acheter la maison est déjà là, il n'y a pas besoin d'acheter la voiture est déjà là, donc qu'est-ce qu'il fait, il va venir habiter chez la femme, hein? Donc c'est le monde à l'envers, yani, subhanallah. Alors que la responsabilité de tout ça, c'est Allah l'a mis sur le dos de l'homme, que c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme, c'est lui qui est le responsable de la femme, c'est lui qui est le protecteur de la femme, hein? Donc c'est lui qui est supposé de veiller à tous ses besoins économiques et matériels. Et quand il fait ça, c'est son obligation, c'est pas la charité qu'il lui fait, hein? Comme certaines femmes aujourd'hui qui disent « je veux être indépendante et je veux pas dépendre d'un homme ». Subhanallah, on dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, il a fait que l'ordre de la société est comme ça. Maintenant, on ne peut pas y revenir puis changer les ordres que Allah a déterminés. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Les hommes sont pourvoyeurs pour les femmes, c'est eux qui sont responsables des femmes. D'accord? Donc alhamdoulillah, mais c'est juste une note en passant pour faire comprendre que notre vie doit être basée sur la religion. Et la chose qui a le plus d'impact en tant que musulman dans notre vie, c'est la salat. Donc si la salat n'est pas la priorité, hein, après le tawhid dans notre vie, eh bien on voit tout de suite qu'il y a un problème dans notre façon de vivre. Et si on vit en Occident, en Europe ou en France ou en Amérique, eh bien on a un gros problème souvent pour respecter ça, pour arriver à appliquer ça. Et bien entendu, peut-être dans certains pays musulmans, il y a des difficultés également, mais en Amérique, c'est incomparable. Et on voit toutes les excuses possibles de la part des musulmans, yani, pour yani, venir et dire, yani, ah, j'ai pas le choix, je travaille, ah, j'ai pas le choix, ci et ça, je peux pas faire le Jumu'ah parce que je travaille et tout. Donc Allah nous protège de ça, yani. Quand les chouyoukhs du Yémen sont venus au Canada, à Toronto, dernièrement, eh bien, ils ont parlé de ça, ils ont donné une nasiha. Ils ont dit, qu'est-ce que vous attendez? Quand est-ce que vous allez commencer à mettre votre religion comme une priorité? Hein? Vous dites toujours, ah, après, là je fais ça, maintenant je travaille, mais après, Inch'Allah, je vais finir, là je vais commencer à prier. Ou je vais commencer à faire ça. Je vais finir mes études. Quand je vais avoir fini mes études, là je vais vraiment commencer à me mettre dans ma religion. Donc c'est toujours, tu remets toujours quelque chose à demain, puis à demain, puis à demain, tu dis subhanallah, quand est-ce que tu vas commencer à appliquer ta religion comme il faut? Et puis tu sais pas quand tu vas mourir, hein? Peut-être que aujourd'hui tu es en vie, mais qui te dit que yani tu vas vivre encore jusqu'à demain? Peut-être que yani tu vas continuer à faire ce que tu fais, puis demain c'est fini, hein? Donc il y a un frère, il y a un musulman que je connaissais pas, mais yani, dont j'ai entendu parler, puis il a étudié pendant plusieurs années pour devenir médecin. Et puis quand il est devenu médecin, il a fini ses études et il est mort. Donc subhanallah, c'est juste pour donner un exemple, yani, que c'est le succès dans les études, c'est pas la clé du paradis, yani. Donc on continue, le cheikh dit wa qala ta'ala wa aqimus salat inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. فذكر في الصلاتين فائدتين عظيمتين: الأولى أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فالذي يحافظ على الصلاة يتجنب الفحشاء والمنكر. الثانية أن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى لذكر الله ولا ذكر الله أكبر والصلاة ذكر لله. Le cheikh, il explique le verset dans Sourate Al-Ankabut qui dit: et établit la salat, certes, hein, Certes, la salat t'empêche ou t'éloigne ou t'interdit de faire tout ce qui est al-fahsha. Al-fahsha, les turpitudes, les péchés comme la fornication, le zina et toutes les mauvaises paroles et les choses de ce genre. Ou al-munkar, les péchés, toutes ces choses-là. Donc, la salat, ça t'éloigne, ça t'interdit, ça t'empêche de faire ces choses-là. Ou al-zikrullahi akbar. Et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que toute chose. Donc ça veut dire que le cheikh il dit que dans ce verset là il y a deux bienfaits ou deux choses qui nous aident à comprendre et à quelque chose d'important. Il y a deux points importants à comprendre. Le premier c'est que la salat, si la personne qui respecte les prières cinq fois par jour dans leur temps et qui les fait comme il faut, cette personne là elle va être éloignée de tout ce qui est péché et turpitude ou toutes sortes de désobéissance. D'accord? Et s'il y en a par exemple qui ont des doutes là-dessus, eh bien Allah Musta'an yani qu'ils essaient de l'appliquer pour voir. Et puis ils vont voir effectivement que la salat c'est une vraie protection contre tout ce qui est haram. Parce que tu bases toute ta vie sur ces cinq prières. Toute ta journée est basée sur ces cinq prières. Donc, essaie de trouver le temps là entre ces cinq prières-là pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux pas. T'as pas le temps. Parce que tu fais une salat, et là, déjà après, tu dis, bon, l'autre salat qui s'en vient. Où est-ce que tu vas trouver le temps pour faire le haram? T'as pas le temps. Hein? Alors, ça t'éloigne de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal. Tandis que les gens qui négligent la salat, eh bien, ils trouvent beaucoup de temps justement pour passer du temps à faire des choses qui pourraient les éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala et les faire tomber dans toutes sortes de péchés. Et regardez les gens qui font des péchés parmi les musulmans et regardez leur façon d'appliquer la salat. Et vous allez voir que ça donne un grand signe de ce verset-là et de sa signification. Regardez les jeunes filles, les jeunes garçons musulmans quand ils prient pas. Ceux qui font les péchés, regardez leur vie. Regardez comment leur vie est construite. Autour de quoi est construite leur vie? La musique. Hein? Tout ce qui est haram de ces choses-là, yani. Hein? La mixité et le mélange avec les hommes et les filles. La mode. Suivre la mode des koufars. S'habiller d'une certaine façon qui est contraire à l'islam. Hein? Fréquenter des garçons, des filles, des choses comme ça. Vous voyez comment ils tournent leur vie. Ils peuvent pas. S'ils appliquaient la salat, c'est impossible qu'ils allaient vivre de cette façon-là. Impossible. Aussitôt qu'ils auraient commencé à préserver et garder les cinq salats, tu vois que leur vie commence à changer. La femme qui dit par exemple, oh, moi je peux pas porter le hijab. Eh bien, comment elle va faire pour faire la salat si elle porte pas le hijab? Elle est obligée de porter le hijab. Hein? Et si tu le portes pour prier, après tu l'enlèves pour quand tu as fini la prière, ça c'est une honte. Tu crains Allah subhanahu wa ta'ala juste quand tu es dans la mosquée, ou bien juste quand tu pries, quand tu sors de la salat, tu retournes à tes péchés, c'est une contradiction. Donc ça pousse la personne toujours à se remettre dans la balance et à réaliser qu'elle ne peut pas continuer à vivre dans cette contradiction-là. Il faut qu'il y ait une balance, il faut qu'il y ait un équilibre entre ta croyance, ta pratique et puis tout ce que tu fais dans ta vie. Il ne peut pas y avoir contradiction. Et après, comme deuxième point que le cheikh mentionne, c'est le fait que c'est un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que la salat c'est un des plus grands rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque moment de la journée, cinq fois par jour, tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est incroyable, c'est un grand rappel effectivement. Et le cheikh il dit ensuite, وَالصَّلَاتُ أَيْضًا يُسْتَعَنُ بِهَا عَلَى الشَّدَائِدِ. Quand tu as des difficultés dans ta vie, eh bien c'est bien de prendre le support et demander l'aide dans la salat. Hein? Le cheikh il donne des versets qui prouvent ça. Il dit: Ya ayyuhal ladhina amanu ista'inu bis sabri was salah, inna Allaha ma'as sabirin. Oh les croyants, ou ceux qui ont cru, et chercher l'aide hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la patience et la salat. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala est avec les endurants, hein, avec ceux qui ont as-sabr, as-sabirun. Après le cheikh il dit qala wa qala wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Le cheikh il mentionne un autre verset dans sourate al-Baqara, le verset 45 et 46, qui dit et cherchez l'aide yani dans la patience et dans la salat. Et certes, c'est une chose très dure, très, très grande, excepté pour ceux qui sont humbles et qui sont certains de rencontrer leur Seigneur et qui sont certains que c'est vers lui qu'ils seront retournés. Vers lui qu'ils retourneront. Après, il mentionne un autre verset qui dit « وَقَالَ تَعَالَى فِي شَأْنِهَا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ » Donc, le cheikh, il dit, c'est le verset qui dit certes, les croyants ont eu le succès, ceux qui sont concentrés dans leur salat et qui ont de l'humilité dans leur salat. ثم ختم الآيات بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Allah subhanahu wa ta'ala a terminé les versets qui parlent des croyants, la description des croyants au début de Surat al-Mu'minun en disant et ceux qui sont, hein, qui gardent, qui préservent strictement de façon régulière les prières, ceux-là, ils auront en héritage al-Firdaus. Hein, ceux-là sont les héritiers, ils auront le Firdaus en héritage et ils y demeureront éternellement. Cheikh ensuite il dit hadhihi hiya as-salah ar-rukn ath-thani min arkan al-islam. Voilà la salah, le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam. Wa dhikruha fi al-Qur'an kathir hatta anna Allah ta'ala 'allaqa 'ismat ad-dam wal-mal bi iqamati as-salati wa qala وقال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. Donc le cheikh il mentionne un verset qui est dans sourate Al-Ma'idah, At-Tawba. Cheikh il dit et après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs et les mouchriquines, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. S'ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Donc ça c'est un verset dans lequel il dit que le cheikh il a utilisé ce verset là comme preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a associé ou a relié le fait par exemple que le saint et les biens sont préservés à cause de la salat ou à cause de l'établissement de la salat, c'est-à-dire que lorsque une personne a établi la salat, eh ben son saint et ses biens deviennent sacrés, hein, ils deviennent préservés. Et le verset il dit en fait que lorsque les mois sacrés sont terminés, ils devaient partir et tous les combattants parmi les mouchriquines qui s'opposent à l'islam, eh bien ils avaient Allah subhanahu wa ta'ala leur donnait la permission dans ce verset là de partir et de les combattre. Et ça, c'était un des versets qui venait pour dire que les musulmans maintenant sont ordonnés de faire le djihad et de combattre tous les mouchriquins et tous les koufars sur la terre qui refusent d'accepter l'islam et qu'ils doivent soit accepter l'islam ou bien être combattus. Donc ça, c'est un verset qui est venu pour expliquer ça. Donc, tous les mouchriquins combattants qui s'opposent à l'islam, eh bien, Allah a dit capturez-les, assiégez-les, guettez-les dans toute embuscade. Et ça, bien entendu, c'est des versets qui s'appliquent uniquement dans des temps où les musulmans ont une force militaire et où ils sont en nombre suffisant et qu'ils sont unis, hein, qui sont unis, et c'est uniquement avec la permission du dirigeant parmi les musulmans. Et ça veut dire que lorsque les dirigeants disent aux musulmans vous ne devez pas sortir, vous ne devez pas combattre, eh bien on doit l'écouter, on doit l'obéir, et on doit respecter les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne ces choses là et juste pour clarifier en même temps, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, c'est pas qu'est-ce que les gens comme des gens de Bid'a comme Bin Laden ou bien des gens de cette tendance comme les gens de djihadiyin, ceux qui prétendent faire le djihad et qui font des attentats terroristes, hein, qui tuent des innocents au nom de l'islam, qui font des attentats suicides, tout ça c'est refuté, c'est rejeté dans l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je dis encore une fois, je le dis souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a rapporté dans un hadith authentique que celui qui tue un kafir qui a une entente avec les musulmans, il ne sentira jamais l'odeur du paradis, hein. Non. Donc c'est important de comprendre que le sang du kafir qui est en paix ou qui a une entente avec les musulmans, c'est interdit de lui faire du mal ou de le tuer. Et même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que si un d'entre ceux-là est tué, il a droit à une diya égale à celle d'un musulman, c'est-à-dire le prix de son sang, c'est le prix du sang d'un musulman qui s'est fait tuer également. Donc dans ce sens-là, on doit respecter sa vie, mais bien entendu, comme j'expliquais plusieurs fois, c'est important de le dire parce que dans notre époque, à notre époque, il y a plein de déviations, puis il y a des extrêmes, il y a les deux extrêmes, comme j'ai déjà dit, ceux qui disent non, on aime tout le monde, hein. On aime les koufars, les chrétiens sont nos frères, comme certains là qui disent ça, comme Qardawi et d'autres. Et il y a les autres extrêmes qui veulent tuer tout le monde, hein. Donc c'est un exemple. Nous on est entre les deux. Et en même temps, en passant, il y a l'histoire du pape là, que tout le monde, sûrement vous avez tous entendu parler de qu'est-ce que le pape soi-disant aurait dit contre l'islam. Eh ben, moi je suis un peu étonné en fait de voir la réaction de certains parmi les groupes comme Ikhwan Muslimin, comment ils répondent à ces paroles du pape. Parce qu'en réalité, si on regarde bien, c'est la position de l'Église, ça a toujours été ça, ça a toujours été cette position-là, qu'ils sont contre le djihad et qu'ils sont contre l'islam. Et ils ont toujours dit que les musulmans ont répandu l'islam par l'épée et des choses de ce genre, et donc ça fait partie de leur aqida. Ils ont toujours été contre les musulmans, c'est pas nouveau. Allah subhanahu wa ta'ala il nous le dit dans combien de versets dans le Coran. In yathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su' wa waddu law takfurun. S'ils ont le dessus sur vous, ils seront des ennemis pour vous. Et ils étendront leurs mains et leurs langues contre vous en mal. Et ils souhaiteraient que vous soyez des mécréants comme eux. Donc, c'est pas nouveau cette attitude-là de qu'est-ce que le pape dit. Mais le plus étonnant, c'est pas ça vraiment. C'est le fait que, subhanallah, ces mêmes gens-là qui sont en train de dire les chrétiens et les juifs sont nos frères dans la religion et qu'on combat pas les juifs pour la terre, on combat pas les juifs pour la religion ou leur croyance, mais on les combat uniquement pour la terre, et qu'ils disent que les chrétiens sont nos frères, et qu'il y a qui croient en l'humanisme et de dire que tous les humains sont tous des frères en humanité et que les chrétiens et les juifs sont des croyants parce qu'ils croient en Dieu ou ils croient en leur religion. Et celui par exemple comme Qardawi qui avait fait une émission spéciale lors de la mort du pape Jean-Paul II pour parler en bien du pape et dire oh, c'est un homme sincère qui a travaillé fort pour répandre sa foi, il croyait sincèrement sa religion puis tout ça. Donc hier il le glorifie, il parle en bien du pape. Aujourd'hui, parce qu'il dit une chose, qu'ils ont toujours cru et qu'ils ont toujours dit, ben là ils commencent à faire des manifestations et à crier dans les rues et à demander des excuses ou je sais pas quoi. Donc c'est un peu une attitude un peu contradictoire, mais c'est toujours l'attitude de ces gens de Hizbiyya qui utilisent les événements politiques et médiatiques pour rassembler les foules, puis faire de la propagande, puis de la publicité pour leur mouvement. Qu'Allah nous protège de l'ignorance et de l'égarement et des passions, et qu'il nous garde sur le droit chemin, amin, sur la voie des salaf salih, sur la voie des ulama rabbaniyin, walhamdulillah rabbil alamin. La position des juifs et des chrétiens par rapport aux musulmans, elle est claire dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. La haine est certes apparue dans leur bouche, mais qu'est-ce que leur cœur garde de haine contre l'islam est encore plus grand. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils cachent dans leur cœur, c'est encore plus grand que qu'est-ce qu'ils prononcent dans leur bouche. Donc il ne faut pas s'étonner, d'entendre ou de voir des choses de ce genre, de la part de ces gens-là. Donc le cheikh il dit ensuite, وقال في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. Donc le cheikh il mentionne un verset qui dit, et si ils ont fait le tawbah, c'est-à-dire les mushrikin, s'ils ont abandonné le shirk, ils ont fait le tawbah, ils se sont repentis du shirk, وأقاموا الصلاة, ils ont établi la صلاة, وأتوا الزكاة, ils ont donné la zakat, alors ils seront vos frères en religion. فإخوانكم في الدين. Ça, c'est le dalil dans ça, c'est-à-dire que, comme le cheikh dit, فَلَوْ تَابُوا وَشَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَإِنَّهُمْ لَا يُخَلَّى سَبِيلُهُمْ بَلْ يُقَتَلُونَ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ لِأَنَّ الزَّكَاةَ قَرِينَةُ الصَّلَاةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Donc le cheikh il dit que si par exemple, selon ce verset, s'ils sont repentis du shirk et qu'ils ont dit la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, mais qu'ils n'ont pas établi la salah, dans ce cas-là, on ne leur donne pas le chemin. Comme il dit dans le verset, laissez-leur la voie libre, c'est-à-dire on leur laisse pas la voie libre. Tant qu'ils n'ont pas établi la salah, on ne les laisse pas la voie libre, tant qu'ils n'ont pas établi la salah, on les combat, on doit les combattre jusqu'à ce qu'ils l'établissent. Et de même pour la zakat, on doit les combattre jusqu'à ce qu'ils donnent la zakat également. Parce que la zakat est toujours reliée à la salat dans le Coran, dans le Kitabullah. Et en fait, c'est là-dessus que Abu Bakr al-Siddiq s'est basé lorsqu'il a combattu les gens qui ont refusé de payer la zakat. Il s'est basé sur le fait que, par exemple, le hadith qui dit « Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idha fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah. » Donc Omar ibn al-Khattab, lui, il a dit, mais comment tu peux combattre des gens qui disent la ilaha illallah, et Omar ibn al-Khattab a mentionné ce hadith, et Abu Bakr Siddiq a dit, oui, as-salah, ça fait partie du droit de l'islam, et az-zakat aussi. Donc celui qui fait une distinction entre la salat et la zakat, il faut les combattre. Et il a dit également, même s'ils empêchaient, ils se refusaient de donner une corde ou une chose pour attacher les chameaux qu'ils donnaient avant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais les combattre pour ça. Donc c'est ça, le fait de dire que ces gens, si quelqu'un refuse par exemple d'établir la salat, qu'est-ce qu'on peut comprendre de certains de ces versets-là, c'est clair qu'il ne serait pas considéré comme étant un frère parmi les musulmans, parce qu'Allah dit فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Mais s'ils ne le font pas, ils ne sont pas considérés comme étant vos frères dans la religion, tant qu'ils n'ont pas payé la zakat et tant qu'ils n'ont pas fait la salat. Donc avec ça on termine la section qui parle de la, ou la partie qui parle du deuxième pilier. Et là on arrive au troisième pilier qui est الزكاه. Cheikh dit الركن الثالث الزكاة. يقول وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الساعة لجباية الزكاة وقد تكرر ذكرها في القرآن وكلما ذكرت الصلاة في الغالب ذكرت في جانبها الزكاة قال تعالى وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Donc le cheikh il dit que la zakat a été ordonnée dans la deuxième année après le hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les gens pour récolter la zakat. Et il dit qu'il y a beaucoup de versets qui, dans le Coran qui mentionnent la zakat. Et il dit qu'en général, chaque fois que la salat est mentionnée, eh bien, il y a une mention également de la zakat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple, « Aqimu s-salat wa ataw zakat » Établissez la salat et donnez la zakat. Et il mentionne un autre verset qui dit « Acceptez ceux qui font as-salat, musallun, illa al-musallin » Ceux qui sont toujours fermes dans leur salat, qui continuent, qui prient régulièrement. Et « Wallazina fi amwalihim haqqun ma'lun » Ceux qui ont, dans leur bien, il y a un droit bien précis pour les gens qui demandent, les pauvres, et pour les dépourvus, etc. Donc pour eux il y a une partie de leur argent bien précise qui est calculée pour ces gens là c'est-à-dire la zakat ou la sadaqa que quelqu'un peut donner. Donc la salat est toujours mentionnée avec la zakat. Et il donne un autre verset qui dit وقال تعالى عنها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل لما أوجبها على عباده بين مصارفها تأكيدا لشأنها. Donc le cheikh il mentionne un verset qui est dans sourate At-Tawba qui explique en réalité à qui on doit donner la zakat. Et c'est le verset 60 dans cette sourate. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit que les sadaqat, et lorsqu'il dit ici sadaqat, il parle en réalité de la zakat. Il dit les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui travaillent, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour ramasser la zakat, ceux dont le cœur sont à gagner, c'est-à-dire les gens qui ont un penchant vers l'islam, pour leur donner un peu d'argent, pour les encourager, des fois ça peut les aider à vouloir se convertir. L'affranchissement, c'est-à-dire lorsque quelqu'un est esclave, on peut utiliser l'argent de zakat pour l'aider, pour le libérer. Wal gharimin, c'est les gens qui sont très endettés. Wabni sabil, les voyageurs, les gens qui sont wafi sabilillah, les gens qui sont des voyageurs, ou bien des gens qui sont fi sabilillah, ça veut dire par exemple ça peut être les gens qui sont dans le jihad, ou ça peut être également pour les tulab ilm, les gens qui sortent pour étudier l'ilm. Aussi, ils comptent aussi pour qu'on puisse leur donner la zakat et des choses comme ça. Et ça, c'est les destinations. C'est-à-dire, c'est pour dire vers qui on donne la zakat. C'est pour qui la zakat. Donc, pour que quelqu'un soit éligible à recevoir la zakat, il faut qu'il fasse partie de ces gens-là, de ces gens-là qui sont mentionnés dans ce verset-là. C'est le verset 60 dans sourate At-Tawba. Ok. Et après, le cheikh il dit: قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Et le cheikh il dit: قال خذ من أموالهم لم يقل خذ أموالهم لأن الزكاة حد محدود من المال لا يضر بأصحاب الأموال وإنما يعود عليهم بالنفع والبركة ولذلك قال تطهرهم وتزكيهم بها فهي تعود عليهم بالطهارة والنماء في أموالهم في أعمالهم وحسناتهم. Donc le cheikh il mentionne un verset ici encore une fois dans sourate At-Tawbah, le verset 103, qui dit que, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: prélève de leurs biens une sadaqa, khuz min amwalihim, par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux, c'est-à-dire une paix pour eux, une sérénité pour eux, et Allah subhanahu wa ta'ala est l'audient et celui qui sait tout. Donc ici le cheikh il mentionne pour spécifier, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a dit: prends une partie de leur bien, un peu de leur bien, c'est-à-dire prends pas n'importe tout leur bien, mais prends une proportion bien calculée, bien précise de leur bien, qui ne nuit pas aux gens qui possèdent de l'argent, les hommes d'affaires ou les gens qui sont riches, ça les met pas dans les difficultés du fait de donner la zakat. C'est uniquement pour les riches, et le bien et la baraka retournent à tout le monde à la fin. Et ça, c'est pour, en même temps, pour répondre à ceux qui prétendent que la zakat, c'est en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils interprètent l'islam à la lumière du socialisme. Le socialisme, l'État, il prend l'argent des riches puis le donne aux pauvres. Et ça c'est une injustice pour le riche. Donc, comme les ulama ils expliquaient, l'islam est pas venu pour défendre les pauvres contre les riches uniquement, ou pour défendre les riches contre les pauvres, mais pour y annuler le bien de tout le monde. D'accord? Donc, le riche il a son argent, il donne une portion pour les pauvres, et les pauvres ils savent que s'ils sont pauvres, il faut qu'ils soient endurants et patients, et Allah il a voulu qu'il y ait ces différences là entre les gens pour les tester. La richesse ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la pauvreté ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une manière que Allah utilise pour tester les gens et pour voir lesquels d'entre eux vont être endurants et patients, et lesquels d'entre eux vont être reconnaissants. Est-ce que les riches vont être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, et est-ce que les pauvres vont être endurants, et qu'ils vont respecter les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a plusieurs versets dans le Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a clairement réfuté les idées des socialistes, des gens qui prétendent qu'il faut plus qu'il y ait de pauvreté dans le monde, et il faut complètement rayer la pauvreté, puis tout le monde doit avoir une égalité dans l'argent qu'ils ont, il faut plus qu'il y ait d'inégalité. Subhanallah, ça c'est contraire, premièrement c'est contraire au qadar, c'est contraire à la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a établi le monde. Allah a voulu qu'il y ait des riches, et il a voulu qu'il y ait des pauvres, et ça fait partie de sa sagesse. Ça fait partie de sa sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Az-Zukhruf, le verset 32. Non, ça c'est l'ayah qui dit: Ahum yaqsimuna rahmat rabbik, nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Ça c'est une réfutation claire pour ces gens-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit: est-ce que c'est eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente, et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. Et la miséricorde de ton Seigneur vaut mieux cependant que ce qu'ils amassent. D'accord? Donc, alhamdoulilah, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait des classes sociales, il a voulu qu'il y ait des différences entre les riches et les pauvres, et s'il n'y avait pas de pauvres, yani, comment on aurait pu savoir qui est le généreux, qui est la personne qui est patiente, qui est la personne qui est reconnaissante, qui est la personne, hein? Comment Allah subhanahu wa ta'ala aurait testé les hommes dans leur bien si tout le monde avait une égalité, hein? Donc il y a une sagesse. Il y a une sagesse du fait qu'il y ait des inégalités entre les humains. D'accord, alhamdoulillah rabbil alamin. Et bien entendu, les kuffars, ils vont dire, par exemple, si Dieu existe, pourquoi il y a des pauvres et pourquoi il y a des gens qui meurent de faim, hein? Je suis certain que vous avez déjà entendu des gens y en a parmi les kuffars qui disent des choses de ce genre. Et puis pourtant, yani, Allah subhanahu wa ta'ala même, il a mentionné cet argument-là dans le Coran de la part de ces kuffars qui disent ça, yani, en fait, c'est parce qu'ils rejettent la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et yani, ils disent, si Dieu existe, il ne devrait pas y avoir de pauvreté. Hein? Et si vous lisez par exemple le verset 47 dans sourate Yassin, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne leur argument clairement. Allah il dit: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Hein? Donc ça c'est un exemple de leur parole, yani, et la traduction de ce verset-là, ça dit, et quand on leur dit, dépensez de ce qu'Allah vous a attribué. Ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, allons-nous nourrir quelqu'un qu'Allah aurait pu nourrir s'il aurait voulu? Vous n'êtes que dans un égarement évident. Donc ça, c'est la parole des kuffars. Ils disent, yani, quand ils disent, si Dieu existe, pourquoi il y a de la pauvreté? Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux hommes de donner. Hein, il a ordonné aux riches de donner aux pauvres. Donc ça veut dire, s'ils ont des biens, etc., Allah les a bénis par toutes sortes de biens, ils doivent revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et demander pardon, et donner de leurs biens en charité. Mais, comme dans le verset qu'on vient juste de lire, hein, quand on leur dit de donner, ils disent, mais s'ils sont pauvres, c'est parce qu'Allah n'a pas voulu leur en donner. Donc nous, pourquoi on leur en donnerait, hein? Alors que c'est faux, puisque c'est Allah qui leur a ordonné de donner. Donc ils essaient de se baser sur le qadar. Hein, ils essaient de se baser sur le qadar pour essayer de justifier leur avarice et le fait qu'ils veulent garder tout leur bien pour eux. Hein. Quand on sait que ces gens-là gaspillent tellement de biens et qu'ils prétendent que par la suite, pourquoi il y a de l'injustice et pourquoi il y a des pauvres, et bien c'est à cause d'eux, à cause du gaspillage qu'ils donnent, à cause de tout le fait qu'ils veulent s'approprier tout pour eux dans cette dunya et qu'ils ne veulent pas donner le bien qui leur est dû. Et en même temps, ils prennent des taxes de tous leurs citoyens, mais des taxes tellement élevées, subhanallah, alors que si on compare ça avec la zakat que Allah nous ordonne de payer, eh bien c'est juste une petite proportion de nos biens, 2,5%, hein, sur le montant surplus que les gens possèdent, qu'ils ont gardé pendant plus qu'un an et qui a atteint le nisab, le montant préfixé. Donc c'est rien comparé à qu'est-ce qu'ils chargent à leurs soi-disant citoyens. Allah musta'an. Après, le cheikh il dit: لِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا فَهِيَ تَعُودُ عَلَيْهِمْ بِالطَّهَارَ وَالنَّمَى فِي أَمْوَالِهِمْ وَفِي أَعْمَالِهِمْ وَحَسَنَاتِهِمْ. Donc le cheikh il dit que comme Allah il dit dans ce verset, يعني, c'est-à-dire le fait que tu prends ce bien-là tu leur enlèves cette partie de leur bien, c'est comme une sorte de purification, hein. Tutahhiruhum, ça les purifie. Wa tuzakkihim biha. Donc quand tu leur prends ce bien-là, ça les purifie. Et ça fait augmenter leur bien et leurs bonnes œuvres, etc. Et après le chef, il dit, wa takarrara dhikru az-zakat fi al-Qur'an taratan maqrunatan ma'a as-salat wa huwa al-ghalib wa taratan ta'ti wahdaha mimma yadullu ala ahammiyatiha. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, souvent dans le Coran, il mentionne la salat toute seule. En général, elle est mentionnée avec la salat, mais également parfois elle est mentionnée toute seule, et ça, ça montre son importance. Et après, il dit, وَلَمَّا مَنَعَ قَوْمٌ دَفْعَ الزَّكَاةِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَمَعَهُ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَالَ وَاللَّهُ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. Donc c'est ça que le cheikh il donne l'histoire justement de Abu Bakr lorsqu'il a combattu les gens qui ont refusé de payer la zakat. Il dit que Abu Bakr, après la mort du prophète, il a combattu ces gens-là avec le reste des sahaba. Et il dit, Abu Bakr a dit, par Allah, je vais les combattre s'ils font une distinction entre la salat et la zakat, car la salat c'est le droit sur les biens. Et par Allah, s'ils refusent même de me donner une iqal, hein, c'est les cordes. Vous savez en Arabie Saoudite, dans les pays arabes, vous voyez des gens qui portent un foulard sur la tête avec une corde noire ou une chose noire par-dessus pour tenir le foulard. Et bien à l'origine, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle l'iqal. C'est là pour tenir, ça tient le foulard, mais à l'origine on utilisait l'iqal pour attacher les jambes des chameaux. On met ça dans leurs jambes pour les empêcher de s'enfuir. Donc c'est ça l'iqal. Et donc il dit, si ils refusaient de me donner ça alors qu'ils le donnaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais les combattre. Parce que ces gens-là, ils ont dit, bon, on fait la salat, mais on veut plus donner la zakat. Parce que la zakat, on la donnait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, c'était obligatoire parce que Yanni nous avait combattu et il a gagné sur nous, etc. Donc maintenant, on va plus donner la zakat puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, donc on n'a plus besoin de payer la zakat. Et Abu Bakr a insisté pour les combattre jusqu'à ce qu'ils reviennent et qu'ils paient la zakat comme ils avaient dit qu'ils devaient la payer. Ensuite, il y a le quatrième pilier, et on va terminer avec ce pilier-là aujourd'hui, puis on fera le hajj la semaine prochaine, puis la suite de l'explication des règles de l'islam pour cette partie, inshallah, la semaine prochaine, venez là, ou bien demain, on va voir qu'est-ce que vous allez décider, inshallah. Le cheikh il dit, الركن الرابع الصيام وكان فرضه في السنة الثانية للهجرة وهو مذكور في آيات كثيرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فأوجب الله صيام رمضان إما أداء في حق المقيم الصحيح وإما قضاء في حق المسافر أو المريض فلا بد من صيام رمضان على المسلم البالغ العاقل لأنه ركن من أركان الإسلام. Donc le cheikh il dit que la deuxième année après le hijra, le ramadan, le jeûne du ramadan a été révélé. Et il y a plusieurs versets dans le Coran qui mentionnent ça. Il dit, ô vous qui ont cru, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, dans le but que vous ayez, que vous acquérez, ou dans le but d'acquérir la taqwa. Hein, jusqu'à ce qu'ils disent dans un autre verset plus loin, le mois du Ramadan, le mois dans lequel le Coran a été révélé, c'est une guidance pour les hommes et des clarifications de la guidance et al-furqan, hein, la distinction, un discernement entre le faux et le vrai et entre le halal et le haram, etc. Donc, après, il dit fameux shahida minkum ash-shahra falyasumhu, celui qui témoigne du mois de Ramadan, qu'il jeûne. Mais celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, alors qu'il reprenne ses jours qu'il a manqués dans des jours par la suite. Et après le Ramadan, il reprend les jours qu'il a manqués à cause de sa maladie ou à cause de son voyage. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné et commandé le jeûne du Ramadan. Soit que il doit le faire immédiatement, c'est-à-dire il doit le faire lorsque le mois rentre, s'il est un résident et qu'il est en bonne santé, c'est-à-dire il n'est pas en voyage et il n'est pas malade. Mais s'il est malade ou voyageur, eh bien dans ce cas-là, il reprend, c'est obligatoire pour lui de reprendre ces jours-là par la suite. Donc, et le jeûne du Ramadan, c'est obligatoire pour tout musulman qui a atteint l'âge de puberté et qui a sa raison. Hein, parce que c'est le troisième pilier de l'islam. Et le cheikh, il dit, « Man athna Allahu ala wa athna Allahu ala sa'imina fi ayatin mithl qawlihi ta'ala fi surati al-Ahzab. إن المسلمين والمسلمات إلى قوله والصائمين والصائمات جعل من جملة صفات المؤمنين الصيام. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a glorifié les gens qui font le jeûne dans plusieurs versets dans le Coran, et il mentionne le verset dans sourate Al-Ahzab dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala commence à énumérer les caractéristiques des mu'minines, dans lequel il dit certes les croyants et les croyantes, et parmi la liste des mu'minines que le cheikh mentionne, il y a le jeûneur et la jeûneuse, c'est-à-dire l'homme qui jeûne et la femme qui jeûne. Et il a fait de ça des caractéristiques spécifiques, yani des mu'minines. D'accord? Donc on va arrêter ici, inshallah. Je crois que c'est l'heure de la salat pour les frères en France. D'après ce que j'entends là, c'est la salat al-Asr chez vous. Alors, attendez un instant, inshallah. Donc, barakallahu fikum, alhamdulillah rabbil alamin. Espérons qu'on a tous profité d'aujourd'hui de notre dars et que Allah rende cette connaissance-là bénéfique pour nous et qui nous aide à rester ferme sur sa religion et sur sa voie. Yani. Donc, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. À demain, inshallah.